Bienvenue dans l'immense brousse de l'humanité. Nous approchons actuellement du nid d'un animal très particulier, l'Homo sapiens. Oh, vous avez de la chance, nous sommes tombés sur un podcasteur. Il s'approche de nous. Il commence son cri de ralliement. Mais ces individus, de manière à peu près régulière, parlent tout seuls. Écoutez justement, l'un d'eux va parler. Balado qui fait aimer la science, ou en tout cas qui la faisait aimer jusqu'à la semaine dernière. Oh, c'est incroyable, vous avez de la chance. On est tombé sur un Alan von Lantanus. Cette race, mais qu'est-ce que je dis? Existe-t-il seulement des races chez les humains? Nous allons essayer de le savoir ce soir. Un autre s'apprête à pousser un cri. Vous êtes dans Podcast Science, et c'est l'épisode numéro 97. Bonjour à tous, bienvenue dans Podcast Science, après cette introduction un peu étrange. Donc nous sommes dans Podcast Science, on est presque au complet, en fait non, vu qu'il manque le patron, il manque Alan, mais il y a bien Marco. Marco, tu es là ? Je suis là, bonsoir à tous. Bonsoir Marco, et puis il y a bien sûr Franck qui nous fait son dossier ce soir, bonjour Franck. Bonjour, quel comédien, hein. J'ai beaucoup apprécié l'intro voilà. qui nous a changé des intros classiques. Et donc Nico, qui n'aura pas aujourd'hui, qui essaiera aujourd'hui de ne pas utiliser son clavier mitraillette, donc je ne serai pas dans la chatroom. Et ben donc Franck, tu nous parles de race ce soir, c'est ça ? Exactement, quand et tu veux. Eh bien écoute, c'est quand tu veux. Ok, alors c'est parti. Donc moi j'entends tout le temps dire que, bon dans les débats à la télé etc, j'entends tout le temps dire que la science a prouvé que les races n'existaient plus. Les races humaines n'existent pas, pardon. Donc souvent je me suis dit, bon je vais en avoir le cœur net et je vais voir qu'est-ce qu'on entend par race et qu'est-ce que la science dit à ce sujet. Donc pour approfondir cette question, on va repartir un petit peu du côté de la taxonomie. Donc la taxonomie, c'est la science de la classification des êtres vivants. Donc pour ça, sur Podcast Science, on a eu un excellent dossier, enfin même trois excellents dossiers qui ont été présentés par Topo, donc qui est un biologiste, et donc qui nous a montré comment on organisait le vivant dans une classification. Donc je vous invite à écouter ce podcast si le sujet vous intéresse en particulier, mais moi je vais plutôt m'attarder sur la notion donc de race, d'espèce et pour appliquer à l'homme. Bon, je préviens tout de suite si vous écoutez que mon dossier va être un petit peu court aujourd'hui et que bon, changement de travail aidant, j'ai pas pu approfondir le sujet autant que je voulais, donc voilà, je vous préviens. Dans son dossier, Topo nous explique que le vivant a été organisé donc originellement par Linné, qui était un Suédois, un scientifique, et la classification mise en place par Linné avait sept rangs taxonomiques. Donc il y avait embranchement, non il y avait règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Donc puisqu'on a parlé moyens mémotechniques la semaine dernière, moi j'ai mon petit moyen mémotechnique pour me souvenir de ces différents rangs. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas grand chose. C'est RECOF, donc R-E-C-O-F, R comme règne, E comme embranchement, classe, ordre et famille. Et après il y a genre et espèce, mais genre et espèce on s'en souvient parce qu'ils sont très utilisés. Genre et espèce, c'est la base de toute dénomination savante d'espèces vivantes. On appelle ça la nomenclature binomiale. Donc pour l'homme, par exemple, donc Homo sapiens, Homo, donc ça c'est la nomenclature binomiale. Homo c'est le genre, sapiens l'espèce. D'accord. Pour information, pour mémoire, Homo sapiens appartient donc au règne. Alors le règne, non. Là, ce qui est marrant, c'est que les classifications du vivant en règne sont sujettes à beaucoup de discussions. Donc, je vais pas m'aventurer là-dedans en disant que c'est le règne animal parce que je sais même pas s'il y a un règne animal. Mais on va dire que c'est donc la classe des mammifères. Ça, par contre, j'en suis sûr. C'est l'ordre des primates, la famille, donc RECOF, règne, voilà, classe mammifère, ordre primates, famille hominidés. Et donc genre Homo, espèce sapiens. Pour faire encore rapidement, les primates, donc l'ordre, donc les mammifères, la classe, c'est les bon, c'est une définition qu'on connaît, c'est les animaux qui allaitent. Marco, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Les primates, donc l'ordre, c'est un ordre qui est défini par deux choses. Il y a deux éléments important pour définir les primates parmi les autres mammifères. Ces deux éléments qui sont donc, pour définir les primates, sont la prédominance de la vision sur l'olfaction. Donc, les primates se servent plus de la vision que du nez, donc pour sentir. Et donc ça, c'est la première caractéristique. Ils s'en servent plus pour se déplacer, pour communiquer, pour tout ce qu'ils font. En fait, ils se servent plus de la vision que de l'odorat, c'est ça ? C'est ça. Bon, ils ne se déplacent pas avec leurs yeux, mais ils se repèrent avec leurs yeux. Mais oui, c'est oui, ça. Oui, d'accord. ensuite, donc, c'est la première chose, la vision prédominante sur l'olfaction. Et la deuxième chose, c'est des mains préhensibles, donc des mains qui permettent d'attraper. Pour ça, il y a deux innovations, les pouces opposables. Donc, vous pouvez tous regarder vos mains et vous pouvez faire une pince avec vos pouces et vos doigts. Donc, ça, c'est les pouces opposables. Et deuxième chose que tout le monde devrait avoir à peu près aussi, les ongles plats. Donc, les pouces opposables et les ongles plats, ça fait qu'on n'est pas gêné par les ongles pour attraper et on peut faire une pince avec les doigts. Donc, ça, c'est la définition de ce qui fait l'innovation des primates. Pour la famille, donc, c'est les hominidés. Et donc, bon, alors, c'est un peu compliqué, encore une fois, les classifications au sein des primates sont un peu changeantes également. Parfois, les hominidés sont considérés comme ce qu'on appelle une super famille, donc qui englobe plusieurs familles. Mais c'est pas faux, je pense que c'est pas faux de dire que les hominidés sont une famille. Donc, la caractéristique principale des hominidés, qu'est-ce que c'est ? C'est le développement du cerveau, tout simplement, qui va induire donc des capacités de sociabilisation et d'apprentissage développées, donc de culture, capacité culturelle. Donc voilà, donc le classe des mammifères, l'ordre des primates, la famille des hominidés. Alors, on est au dernier rang avant genre et espèce. Donc, dans le genre, on a le genre Homo. Dans cette famille, donc la famille des hominidés, on a le genre Homo, on a le genre Pan ou Pan, je sais pas, Pan. Donc le genre Pan, c'est le chimpanzé, et on a le genre gorille. Comment ? Moi j'aurais dit Pan personnellement, mais à confirmer. Bah en fait je me dis si c'est du latin, je crois que c'est du Pan, mais effectivement en français ça donne Pan. Bref. Et le genre gorilla. Donc ça c'est les trois genres qui sont dans la famille des hominidés. Donc c'est nos plus proches cousins en fait. Ah non, il y a aussi le genre Pongo, pardon. Mais ça dépend, il n'y est pas toujours dans la famille des hominidés. Donc le genre Pongo, c'est les orang-outans. Donc voilà, donc dans la famille hominidée, il y a le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan et l'homme. D'accord. Voilà. Excuse-moi Franck, ouais, il y a un autre point commun entre tous ces espèces que tu cites, c'est le coccyx. Le quoi, pardon ? Le coccyx, la présence d'un coccyx. Le coccyx ? Oui, le coccyx à la place de la queue, en fait. Ah, tu veux dire comme innovation des hominidés ? Oui. Non, mais je crois que t'es sûr de ça, parce que je pense que... oui, bon, d'accord. Donc ça, les hominidés, c'est l'absence de queue ? Bah, les hominidés, ouais, ils ont... Bah, en tout cas, le chimpanzé, gorille, orang-outan... Et hommes ont tous un coccyx, en fait. Ils ont tous l'appendice caudal qui est atrophié et qui forme le coccyx. Mais est-ce que c'est pas une caractéristique qui est... Ok. Mais est-ce que c'est pas une caractéristique qui est partagée par d'autres familles que les hominidés ? À ma connaissance, non. Ça suffit pas en soi, parce que le fait de pas avoir de queue et d'avoir un coccyx, t'as d'autres espèces très différentes qui n'ont pas de queue, non ? Ou je dis une bêtise ? Certainement, mais qui n'ont pas de coccyx pour autant. Oui, d'accord. Ok, bon, bah, ok, à confirmer. Non. Voilà, c'est ça. Les hominidés sont communément appelés Donc, les hominidés sont appelés les grands singes. Et on a les singes inférieurs qui sont les autres singes qui sont pas hominidés. Et donc les autres singes, c'est notamment ce qu'on appelle les gibbons, donc c'est les singes qui s'accrochent dans les arbres. Et voilà. Mais là, je m'égare un petit peu. Donc dans la taxonomie actuelle, on a règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. Les caractéristiques de chaque rang, je vous les ai données dans les grandes lignes. Mais est-ce que ça s'arrête là ? Est-ce qu'on peut aller plus loin que l'espèce ? Est-ce qu'on peut distinguer donc des races au sein de l'espèce humaine ? Donc, on va voir pour ça, on va voir pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à la notion d'espèce. On aurait pu s'arrêter encore plus bas, on aurait pu en faire des distinctions plus plus approfondie après les espèces. Mais pourquoi on s'est arrêté à la notion d'espèce ? Ouais, mais enfin déjà pour la notion d'espèce, c'est assez ambigu. On a assez du mal à vraiment la définir, donc c'est encore plus difficile pour définir des races à l'intérieur d'espèces. Quoi. Bah oui, mais là t'es en train de spoiler ma deuxième partie, mais c'est vrai. Ouais. C'est que en fait... voilà. Donc effectivement, donc ce concept d'espèce, il est un petit peu difficile à définir. On pourrait recenser plus d'une vingtaine de définitions du concept d'espèce en taxonomie dans la littérature scientifique. La définition actuelle la plus communément admise, c'est celle qui est énoncée par Ernst Mayr, donc qui est un biologiste allemand, et qui dit « Une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. » Donc, cette définition, elle dit que ce qui est de la même espèce, c'est ce qui peut se reproduire dans des conditions naturelles entre eux et donner une descendance féconde. D'accord. Donc, il y a deux idées. L'idée de pouvoir se reproduire en milieu naturel, c'est important, et que le fruit de cette reproduction soit fécond. Mais tout de suite, on se demande s'ils ont vraiment testé toutes les possibilités pour savoir si c'est des espèces. Bah ouais, bah justement, c'est un peu le problème, parce que si on s'amuse à tester les possibilités, on sort du milieu naturel. Donc en fait, ah oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette définition, elle doit se passer naturellement sans intervention de l'homme. Et donc, mais pourtant, à cause de ça, en fait, le critère d'interfécondité, il ne peut pas toujours être vérifié. Donc, par exemple, pour les fossiles, on peut pas vérifier si deux espèces qui ont vécu il y a 200 000 ans, qui n'existent plus, pouvaient se féconder entre elles, par exemple. Enfin, deux individus. Pour les organismes asexués, par exemple, les bactéries, elles se reproduisent pas. Il n'y a pas une bactérie mâle et une bactérie femelle qui se fécondent. C'est chaque bactérie qui se divise entre elles. Pourtant, on divise les bactéries également en espèces. Il y a aussi les espèces rares ou les espèces qui sont difficiles à observer, par exemple les espèces des grandes profondeurs, etc. Donc, ce critère d'interfécondité, il est peut-être pertinent, c'est-à-dire qu'il définit peut-être une notion d'espèce, mais bon, ça, on va en reparler. Mais de toute manière, même s'il l'a défini, il n'est pas facile à vérifier, à cause du fait que ça doit être en milieu naturel. Donc, sur quoi s'appuie... Donc, on appelle l'idée de l'isolement reproductif. Donc, l'isolement reproductif, ça va être la définition de l'espèce, ça va être un groupe d'individus caractérisé par un isolement reproductif, c'est-à-dire que ce sont des individus qui ne peuvent se reproduire qu'entre eux. Qu'est-ce qui va faire cet isolement reproductif ? On va distinguer deux types de barrières qui vont caractériser cet isolement reproductif. Il y a les barrières pré-copulatoires ou pré-zygotiques et post-copulatoires ou post-zygotiques. Alors, en fait, pour le pré-copulatoire, c'est assez simple. Il suffit d'imaginer, par exemple, est-ce que, par exemple, vous pourriez vous reproduire avec une fourmi ? Et on voit que ça pose des problèmes matériels. Hein. Sans aller dans des considérations compliquées, on peut pas se reproduire avec un insecte, par exemple. Enfin, c'est impossible. Enfin, il y a des barrières physiques. Ça va être par exemple des différences de taille entre individus. Ça peut être des différences de comportement reproductif. Par exemple, la femelle du paon, elle a besoin d'une parade nuptiale pour consentir à l'accouplement, et donc ça forme une barrière comportementale. En fait, un membre d'une autre espèce ne peut pas avoir les mêmes comportements, etc. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre. Il y a des barrières. Et est-ce que ces barrières, elles ont été mises en place d'un point de vue évolutif pour justement limiter les reproductions interespèces ? Bah oui, ça c'est super intéressant. C'est qu'en fait, le concept d'espèce, c'est en lui-même un concept qui représente un avantage évolutif. Enfin, c'est... comment dire ? Oui, bien sûr que ça... C'est une sorte de protection de l'avantage évolutif, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de l'entité, même. Pour moi, c'est une dérive du gène égoïste. C'est qu'en fait... l'espèce, si elle se protège contre les mélanges, bah, elle va perdurer. Alors que si une espèce n'est pas protégée contre les mélanges, elle va se dissoudre. Enfin, voilà. Mais oui, de toute façon, scientifiquement, c'est sûr que le concept d'espèce est un concept qui a évolué, qui a émergé du fait de l'évolution. Et donc ces isolements reproductifs sont le fruit de l'évolution, effectivement. Donc ça, c'était pour les barrières pré-copulatoires. Alors, donc, pour les barrières post-zygotiques, c'est là que ça devient intéressant, et que c'est là que moi ça m'intéressait en tout cas. En fait, la barrière principale dans les croisements entre espèces, c'est pas vraiment les barrières pré-zygotiques ou pré-copulatoires, parce que finalement, il est possible de faire se reproduire entre elles. Entre eux, des animaux d'espèces différentes. Bon, bien sûr, il y a un petit peu intervention de la main de l'homme, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut faire se reproduire entre eux, par exemple, un chien et un loup, un cheval et un âne, un cochon et un sanglier, un tigre et un lion. Enfin, il y a beaucoup d'exemples d'hybrides interespèces. Mais là où ça coince, en fait, plus que dans les barrières mécaniques, c'est les barrières post-zygotiques. Et la barrière post-zygotique principale, c'est la stérilité des hybrides. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quand deux animaux d'espèces différentes se rencontrent, enfin copulent, ils vont avoir une descendance, ils vont être féconds, mais l'hybride formé sera stérile. Alors pourquoi est-ce qu'il est stérile cet hybride ? Là, ça fait intervenir des notions de génétique, mais c'est assez simple à comprendre. Alors vous savez qu'il y a dans le corps, il y a des cellules, la majorité des cellules qui ont tous les chromosomes en double. Elles ont 2N chromosomes, deux fois. Par exemple 10 chromosomes, donc elles ont 20 chromosomes. Chez l'homme, on a 23 paires de chromosomes, donc on a 46 chromosomes, 23 paires. Par contre, dans certaines cellules dites haploïdes, donc gamètes, on a chaque cellule ne possède que un seul exemplaire de chaque chromosome. Ouais, ouais. Donc on dit que les cellules sont haploïdes et ce sont les gamètes. Alors maintenant, comment se passe la fécondation ? La fécondation, on a une gamète d'un individu qui va rejoindre la gamète d'un autre individu et qui vont reformer une cellule à 2N chromosomes, donc avec des paires de chaque chromosome. Donc pour l'homme, on a les 23 chromosomes du spermatozoïde qui vont rejoindre les 23 chromosomes de l'ovule, ça va faire 46 chromosomes. Maintenant, prenons un exemple. Admettons qu'un âne, donc l'âne a donc les cellules normales de l'âne ont 62 chromosomes. Et les gamètes de l'âne ont donc 31 chromosomes chacune. Ouais. Prenons une jument qui a donc 64 chromosomes et donc avec des gamètes à 32 chromosomes. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand les deux vont se réunir, on va avoir 32 plus 60 plus 31, ça fait donc 63 chromosomes. Donc la moyenne entre le nombre de l'âne et le nombre de la jument. Donc on va avoir une cellule, le zygote, donc qui est le fruit de la fertilisation, qui va être viable. Il va avoir toutes les informations génétiques dont il a besoin pour se multiplier, pour former un individu, avec les informations génétiques de la mère jument et du père âne. Cet individu va grandir, il va naître, il va vieillir, il va atteindre la puberté, et ses organes sexuels vont commencer à produire des gamètes. Mais là, il va se passer un problème. C'est que pour produire des gamètes, il y a un processus cellulaire qui se met en place et qui s'appelle la méiose. Et la méiose, elle intervient que au moment de la formation des gamètes. Et c'est le mécanisme par lequel les cellules se divisent entre elles. Alors, il faut savoir que lors de la méiose, il faut que, avant que la méiose ait lieu, qu'est-ce qu'il faut il faut qu'il intervienne une chose, c'est qu'il faut que les chromosomes se regroupent par paire. Ils vont migrer au milieu de la cellule et ils vont se regrouper par paire. Et si les chromosomes ne sont pas bien appareillés l'un avec l'autre, et chaque chromosome de chaque paire doit se ressembler pour pouvoir être, pour reconnaître son pendant, enfin son voilà, sa paire, s'il n'y a pas un bon appareillement des chromosomes, la méiose ne peut pas avoir lieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La division de la cellule n'est pas possible et la production de gamètes n'a pas lieu. Et donc c'est pour ça que les individus hybrides d'espèces sont souvent, pas toujours, mais sont souvent stériles. Voilà. Okay, donc en fait, oui, ça vient du... Le même nombre de chromosomes, quoi. Alors non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'effectivement on pourrait dire que le mulet, donc l'hybride de la jument et de l'âne, il a 63 chromosomes. Donc il y a 31 paires qui font donc 62 chromosomes, et puis un chromosome tout seul qui est en fait le chromosome hérité de la maman et qui n'a pas son pendant chez l'âne. Donc ce chromosome-là, on va dire, il est tout seul et il va faire qu'il y a un mauvais appareillement des chromosomes. Donc c'est vrai, effectivement, c'est la cause. Mais parfois, on a le même nombre de chromosomes Et pourtant, on va avoir un mauvais appareillement. Parce qu'il faut que, non seulement il faut que les chromosomes soient en nombre égal, mais surtout, il faut que les chromosomes soient similaires pour qu'ils puissent s'appareiller. Et en fait, parfois les chromosomes sont en nombre différent, mais ils arrivent quand même à s'appareiller, par exemple, deux petits avec un gros. C'est le cas, par exemple, du cochon et du sanglier. En fait, c'est plus compliqué qu'un simple compatibilité numérique, en fait. C'est une compatibilité des homologies génétiques, en fait. Voilà. Il y a aussi donc c'est un peu la distance génétique entre les deux individus qui se reproduisent. Exact. Oui, tout à fait. C'est un peu la distance génétique. Sauf que ce qui est à la base d'ailleurs de la spéciation, en fait, les espèces se créent comme ça, quoi. C'est des groupes qui deviennent séparés, qui ne se mélangent plus, et au fur et à mesure des mutations, la distance génétique devient tellement importante qu'ils ne peuvent plus se reproduire ensemble. Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que par exemple, On simplifie toujours, sans podcast science. Ouais, bien sûr, bah on est là pour ça. Mais tu prends par exemple deux chiens, tu prends par exemple deux espèces de chiens, enfin deux races de chiens donc, deux races de chiens, ils vont arriver à certaines situations où ils seront plus interféconds, ils pourront plus se féconder entre eux, et quand même le chien et le loup peuvent se féconder entre eux. Et la distance génétique entre le chien et le loup, je pense qu'elle est plus grande qu'entre deux chiens de la même, tu vois, deux chiens de races différentes. Donc je pense que c'est pas purement statistique, quoi. C'est pas juste la distance génétique, même si bien sûr c'est ça l'idée. Mais je pense que c'est au cas par cas, en fait. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc c'est cette notion d'isolement reproductif qui semble définir la notion d'espèce. Mais il y a certaines limites à cette notion d'isolement reproductif. Par exemple, les bactéries. Donc comme je disais tout à l'heure, les bactéries, ce sont des organismes asexués. Donc il est impossible d'apporter cette notion à la notion de bactéries, puisque de toute manière, les bactéries se reproduisent toutes seules. Il y a aussi les végétaux. Les végétaux, ils sont capables de, par exemple, le bouleau, un bouleau peut féconder un chêne et l'hybride peut être tout à fait fertile. C'est-à-dire qu'il va avoir des parties de l'arbre qui vont être bouleau et des parties de l'arbre qui vont être chêne. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Donc, en fait, on a inventé beaucoup d'autres concepts pour définir la notion d'espèce. Il y a les critères morphologiques, et finalement ce sont les critères morphologiques qui sont le plus généralement utilisés et qui consistent en fait à identifier une espèce tout simplement d'après ses caractéristiques structurales ou morphologiques. Et en fait le problème de cette définition morphologique de l'espèce, donc, c'est qu'en fait elle repose sur des critères qui vont être subjectifs, c'est-à-dire que pour distinguer tel groupe de tel groupe, on va choisir un critère, on va le choisir de manière arbitraire et on va définir telle ou telle espèce. Donc c'est ça qui est un peu gênant dans cette définition, même si effectivement elle est plus pratique car elle est facile à vérifier. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Marco. Il y a la notion de ressemblance, c'est-à-dire sans définir des critères arbitraires, on va essayer de bâtir, et c'est actuellement ce qui est une des techniques les plus utilisées également. On va essayer de bâtir des arbres phylogénétiques. Donc, de construire des classifications d'espèces sur des critères de ressemblance, c'est-à-dire un individu à 90% de ressemblance avec un autre, on va en faire une espèce, etc. C'est-à-dire qu'on définit pas de critères morphologiques clairs, mais on définit des critères de ressemblance entre les individus. Ça peut être soit des critères génétiques, c'est-à-dire là, on va comparer les codes génétiques et on va observer le pourcentage d'homologie, mais ça peut aussi être des critères phénotypiques où on va juste observer les phénotypes observés. Voilà. Il y a aussi une autre barrière, là je reviens sur la notion d'interfécondité, il y a aussi une autre problème à cette notion d'isolement reproductif, c'est que parfois on observe que dans une population, on va dire qu'on a une population d'individus A1, A2, A3, A4, AN, etc. On va avoir A1 et A2 qui vont pouvoir se reproduire entre eux, avoir un hybride fécond. On va avoir A2, A3 qui vont se reproduire entre eux, qui vont avoir un enfant fécond. A3, A4 qui vont pouvoir se reproduire entre eux, avoir un enfant fécond. Mais A1 et A4, si on les prend entre eux, ils vont pas avoir un enfant fécond. Donc ça aussi, ça pose problème. C'est-à-dire que finalement, l'interfécondité, c'est difficile à établir. Il faudrait faire les tests pour chaque individu parce qu'il y a cette notion de, en fait, ce qu'on appelle la transitivité d'interfécondité. C'est-à-dire que c'est pas parce que des individus sont féconds les uns avec les autres que n'importe lequel d'entre eux est fécond avec n'importe lequel d'entre eux. Donc voilà, voilà pour ce concept d'espèce. Voilà. D'accord. Alors maintenant pour les classifications de rang inférieur, donc la race, j'ai pas eu le temps d'aller jusque là, donc je vais m'arrêter là. Les races, je peux le dire un petit peu, mais donc ça va être moins bien préparé. Les races, elles vont être bâties après sur des critères qui sont généralement morphologiques. Donc elles sont bâties par les éleveurs par exemple qui vont faire émerger des races qui sont spécialisées pour tel usage ou par des biologistes qui vont avoir besoin de catégoriser le vivant. Mais en fait, les races, elles ont aucune réalité scientifique biologique à proprement parler. Et en fait, aucune réelle utilité, elles servent plutôt à faire de la classification très spécifique pour une application quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que les races, oui, c'est ça. Et en fait, chez l'homme, le principal facteur qui a, donc je sais pas, il y a eu beaucoup de classifications de l'homme des différentes races qui ont été faites. Je suis pas remonté là-dedans parce que ça m'a pas paru très intéressant. Mais bon, ce qu'on peut retenir, c'est que le principal critère, donc morphologique arbitraire, qui est utilisé pour bâtir des distinctions de races dans l'espèce humaine, c'est bien sûr la couleur de peau. Et en fait, si on regarde ce critère de la couleur de peau, il a rien à voir, enfin, il est pas lié à une distance génétique quelconque, en fait. C'est-à-dire que, donc, déjà, d'une part, les humains sont tous interféconds entre eux, donc il y a aucune, on est bien de la même espèce, ça c'est sûr. Mais même le critère donc morphologique de couleur de peau, en fait, il ne traduit pas une ressemblance génétique particulière. En fait, si on regarde la répartition de la couleur de peau dans l'espèce humaine, on voit qu'elle suit une loi de Gauss et qu'elle est corrélée avec l'ensoleillement. Et c'est tout, en fait. C'est tout, c'est pas corrélé avec des proximités génétiques. Et à titre informatif, le fait qu'elle suive une loi de Gauss n'a rien de particulier. Dès qu'on a beaucoup de choses, ça suit une loi de Gauss plus ou moins forcément, quoi. Ah, d'accord. L'argument de la loi de Gauss tombe à l'eau. Non, la loi de Gauss veut dire en plus que c'est vraiment comme si tu mettais au hasard la couleur de peau avec avec le soleil. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien de particulier à ça, quoi. Donc ça va vers ton sens de dire que la couleur de peau, voilà. Ok. À propos de cette histoire de couleur de peau, là, j'avais lu un papier super intéressant sur comment sont apparues, comment sont déterminées les couleurs de peau chez l'homme. Je voulais vous en parler un petit peu également. Je pense que ça vous intéressera. Donc, vous savez que pourquoi est-ce qu'on a la mélanine pourquoi est-ce que la peau se colore au contact avec le soleil? Parce qu'en fait, le soleil va générer dans le corps la production de vitamine D. C'est-à-dire que plus on est soumis au soleil, à un ensoleillement important, plus on va produire de la vitamine D. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse? La vitamine D, elle est toxique pour le fœtus. Donc en fait, il est très important que pendant la grossesse, on soit soumis à un taux de vitamine D qui soit dans une certaine fourchette et qui soit stable. Et donc c'est pour ça que le taux de mélanine est étroitement corrélé à l'ensoleillement. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, cette histoire du taux de vitamine D, il fait que le soleil a cet impact sur notre pigmentation, mais ça fait aussi que notre alimentation va avoir un impact sur notre pigmentation. C'est-à-dire qu'en fait, la vitamine D, on la retrouve beaucoup dans les poissons, dans les huiles qui proviennent des poissons. Et donc, en fait, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que, en fait, si une population donnée va avoir une alimentation à base de poissons, elle va avoir un apport extérieur en vitamine D qui provient pas du soleil, qui dépend pas du soleil. Et donc, finalement, elle va plus avoir besoin d'ensoleillement pour atteindre la bonne fourchette de vitamine D, et donc elle va se pigmenter. C'est le cas, par exemple, on peut citer, par exemple, les populations asiatiques au niveau du Japon. Ils sont plus pigmentés qu'à la même latitude en Europe, nous. Et parce que une des théories, c'est que comme ils ont de la vitamine D qui provient d'une alimentation riche en poissons, ils doivent leur peau se pigmente pour les protéger de taux de vitamine D trop élevés. Et cette théorie est d'ailleurs une des théories qui permet d'expliquer pourquoi les Irlandais et les Écossais sont roux. C'est parce qu'en fait, à cause du Gulf Stream, ils ont pu développer une agriculture qui les a donc éloignés d'une alimentation riche en poissons. Et compte tenu du niveau d'ensoleillement qui est faible, avec un apport de vitamine D provenant du poisson qui est également faible, ils ont donc besoin de beaucoup de vitamine D et donc ils sont très dépigmentés. Voilà. Ok. Ça avait l'air très intéressant, mais alors je m'excuse, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai quelques coupures et parfois pendant 5 secondes j'entends rien. Donc je réécouterai, mais. Merde, mais Nico, t'as pas eu de coupure. Non, il n'y a aucun problème, pas de coupure. Non, mais c'est uniquement. Je pense qu'il n'y a pas de coupure dans le live, les gens peuvent nous le dire. Ouais. Bah, c'est hyper intéressant tout ça, quoi. En tout cas, sur les concepts, si on résume donc les concepts d'espèces, il y a quand même une définition un peu précise, vu qu'il y a au moins ces histoires de non-reproductivité après. Et par contre, sur les concepts de race, on peut mettre des races un peu partout, mais du coup, ça n'a pas grand intérêt. Et au niveau de l'être humain, on s'en abstient pour des raisons historiques, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que... Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, ben, c'est ça n'a pas... Ouais. Oui, c'était tout. Donc, vraiment, la science n'a jamais prouvé l'existence d'aucune race. Mais, en fait, il faut bien distinguer deux choses. En fait, il y a une vision épistémologique, en fait, de l'espèce. Est-ce que les espèces existent intrinsèquement? Et en fait, on fait que constater un fait, une existence. Ou est-ce que les espèces sont juste une invention de l'homme pour classifier le vivant? Et en fait, au niveau de l'espèce, on ne sait pas trop. À mon avis, on est entre deux eaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des critères objectifs qui tendent vers le fait que les espèces existent effectivement et qu'elles ont une utilité. Mais quand on passe en dessous de l'espèce, quand on arrive au concept de race, là, il devient à peu près clair que le concept de race, c'est un concept inventé par l'homme qui est appliqué au vivant pour mieux le comprendre. Mmh. Mais que ce n'est pas un concept qui existe en soi, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Oui, c'est tout ce que j'avais fait. Donc, c'était un petit peu court, je suis désolé. Ouais, mais c'est intéressant. Bon, ça va, c'est les vacances. Alors, des sujets courts, et quand même, on apprend des choses. On va passer à la suite, du coup. Donc, ouais, suite, ça marche. Si je ne m'abuse, c'est le teaser de la semaine prochaine qui est fait par moi-même. Donc, on va partir. Donc, la semaine prochaine, moi, je vais parler art et sciences, qui sont en général des expositions qui m'ennuient. Principalement parce qu'on tombe soit dans deux travers, en gros, soit on tombe sur des artistes qui viennent découvrir les sciences. Par exemple, c'était au Palais de Tokyo il y a un mois, je crois, c'était quelqu'un qui m'expliquait que ce qu'il avait voulu exprimer ici, c'était l'électricité. Par exemple, il avait mis un aimant en lévitation, recouvert d'un chewing-gum mâché, pour expliquer qu'il a fallu réfléchir, mastiquer pour découvrir le procédé de la lévitation, de l'aimant, du magnétisme. Enfin bref, ce genre d'artistes qui découvrent une science et qui se mettent à la mettre en scène de manière plus ou moins réussie, et souvent plus moins que plus. Ou alors on a l'autre sens aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'autre sens, où c'est des scientifiques, c'est peut-être même pire, qui se sentent artistes du fait de l'esthétique de leur science et qui manipulent. Par exemple, je crois que c'est sur Image des Maths, alors j'ai pas regardé l'article en détail, ça a l'air un peu plus intéressant que ce que je vais en dire là, mais on en voit souvent des gens qui, j'aime les équations, je les trouve belles, alors j'en ai fait des tableaux de 4 sur 3 où j'ai une équation qui fait 4 mètres sur 3 mètres. Et je l'ai encadré parce que je trouve ça joli. Voilà, donc ça c'est un peu ce que moi je vois régulièrement en art et sciences, et donc je me suis dit qu'on allait, j'allais essayer la semaine prochaine, donc en sujet de vacances très billet d'humeur, c'est-à-dire que ça n'engagera que moi, ce sera sans doute très peu objectif, mais on va essayer de réfléchir aux arts, aux sciences, et se demander si finalement les mathématiques ne seraient pas un courant artistique comme les autres. Ouais, voilà. C'est super intéressant. Mais moi, je le pense. Hein. Je pense qu'il y a une relation étroite entre l'art et la science. Ouais. Voilà, alors je vais parler sous le biais des mathématiques parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je suis sûr qu'il y aurait des liens à faire avec les autres sciences. Mais je me limiterai aux mathématiques, donc entre autres à l'histoire des maths et à savoir s'il y a des courants mathématiques comme il y a des courants artistiques et si on peut parler même de pattes de mathématiciens comme on parle de pattes d'artistes, qu'on reconnaît des œuvres d'artistes. Quoi. Ouais, il y a une part énorme d'intuition dans la recherche mathématique. Pour moi, c'est la même intuition que celle de l'artiste. Quoi. Mais il y a même d'autres aspects. De toute façon, on verra ça la semaine prochaine. On aura le temps d'en papoter la semaine prochaine. Ok, ça marche. Mmh. Intéressant. Voilà. Un bon sujet à la Nico, je pense. Voilà, à la Nico et sujet d'été, ouais. Je pense qu'on va avoir de quoi s'amuser. Donc je répète, ça n'engagera surtout que moi, parce que surtout sur la partie histoire de l'art, ce sera sans doute très peu... Enfin, je ne suis pas un spécialiste du tout, donc je dirais sans doute beaucoup de bêtises, mais bon, ça sera un début de discussion. Voilà, bah on va passer aux nouveautés et à l'avis de l'émission. Alors, dans les nouveautés à venir, donc l'épisode Histoire, Art et Science, ça va être l'épisode 98. Et l'épisode 99, c'est Yves, un auditeur qui a plein de choses à nous dire sur le nucléaire, qui prend les commandes et qui va nous parler de nucléaire. Alors pour ça, il a besoin de votre aide. Pour mieux se préparer, il voudrait savoir quelles sont les questions qui vous intéressent le plus. Donc il faudrait nous dire ce qui vous intéresse plus sur le nucléaire. Le nucléaire civil, donc les thèmes abordés sont grosso modo la technique, l'historique, les accidents, les déchets, l'approvisionnement, les investissements, la sécurité. Et pour indiquer vos préférences ou déjà poser des questions, vous pouvez donc faire sur Twitter @podcastscience ou alors sur podcastscience@gmail.com ou sur les notes de cette émission, mettre des commentaires, enfin un peu partout où vous pouvez nous communiquer des questions ou des sujets qui vous intéressent sur le nucléaire. Et Yves se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Voilà, dans les autres news sur le podcast, on rappelle qu'on peut voter pour nous sur Podcast Award organisé par Pod Radio. Donc l'adresse c'est Award. À chaque fois, je te trouve un peu chauvin à chaque fois, Nico, quand tu dis ça. Pourquoi ? On peut aller voter pour qui les gens veulent. Alors oui, soyez en passant, nous on n'est que dans une seule catégorie, donc vous devez voter pour nous dans cette catégorie-là, mais vous pouvez voter pour plein de gens bien sur les autres. Non, oui, vous pouvez voter pour qui vous voulez. Donc nous, en tout cas, on est candidat. Je sais même pas pourquoi on est candidat, mais on est candidat sur donc Award au pluriel awards.podradio.fr. Et donc ça vous permet même de découvrir plein d'autres podcasts. Moi, j'ai découvert quelques podcasts que je ne connaissais pas. Alors le grosse déception de ce truc là c'est que Podcast Science et Vie Artificielle de David Xilrian, qui est déjà venu dans l'émission, sont dans la même catégorie, donc il faut choisir ou alors recharger la page pour voter deux fois, un pour chacun. Tu vois que je suis pas hyper si chauvin que ça. Ouais. Et enfin, sur la dernière news de l'émission, pensez à être là pour la 100e, donc ce sera le jeudi 23 août à 20h30. Ça va être très spécial, il va y avoir plein de gens. On a eu même la confirmation, je sais pas si on a le droit de dire la dernière confirmation de présence qu'on a eue là, qu'on a la rockstar Mathieu qui devrait être présent, donc il va y avoir pas mal de monde. Ça va être un sujet spécial podcast science, histoire du podcast, etc. Ça va être très sympa et on va prévoir des choses en live, donc soyez présents au live. Voilà, on passe au retour sur quelques retours sur les émissions précédentes. Ouais. Alors oui, alors un petit détail, ça c'est Alan qui a failli devenir fou en écoutant le podcast la semaine dernière. La vitesse de la lumière est de 300 000 km/s et pas de 300 km/s. Je sais pas on a dit ça. Donc voilà, c'était bon à être rétabli. Mais c'est qui avait dit ça? J'ai dit ça. Voilà, j'ai peut-être dit ça, mais alors il y a des chances que ce soit toi. Ah bah ouais, certainement, ouais, parce que j'ai pas calculé, mais alors c'était un mauvais lapsus. Voilà. Donc voilà pour les quelques notes de l'émission. On avait quelques commentaires, mais peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine un peu plus précisément. Entre autres, parce qu'il y a un commentaire de Yves, donc peut-être même qu'il nous le fera en direct. Donc je ne sais pas si vous avez des news ou si vous avez des news, Franck, peut-être des choses dont tu voulais parler, comme tu as un peu de temps cette fois-ci. Non, j'ai pas de spécialement. T'avais pas une news sur... D'accord, je croyais que tu avais une news. Ah oui. C'était un truc qui m'avait intéressé dans l'actualité. Bon, c'est médical. Ouais. En fait, il y a une... je sais pas si vous avez entendu parler de la théorie hygiéniste. En fait, c'est qu'on s'est aperçu que depuis la moitié du 20e siècle, on s'est aperçu qu'il y avait une flambée des maladies inflammatoires et auto-immunes chez les hommes, chez nous. Et qu'on n'expliquait pas cette flambée de ces maladies. Et une des thèses pour expliquer ça, c'est la thèse hygiéniste, donc qui veut que ça soit un excès d'hygiène, de nourriture aseptisée, qui rende nos systèmes immunitaires un peu fous et qui fasse émerger ces maladies-là. Et il y a une étude que j'ai eue qui a pas du tout été reliée parce que bon, c'est un peu spécialisé et qui conforte un peu cette étude-là et qui montre qu'en fait l'exposition à des œufs d'Helminthe Les Elmintes, c'est des parasites intestinaux. Donc en fait, ils ont pris des patients donc humains et ils les ont exposés à des vers intestinaux, à des œufs de vers intestinaux qui ne parasitent pas l'homme normalement, donc pour éviter qu'il y ait un risque de multiplication de ces vers dans les intestins. Et ils ont eu des très bons résultats dans le traitement de différentes maladies inflammatoires digestives, comme la maladie de Crohn ou la, je crois que la rectocolite hémorragique, etc. Et il y a même un essai en cours dans la sclérose en plaques. Et donc cette étude m'a intéressé parce que je trouvais ça, enfin c'était dans le cadre de cette hypothèse hygiéniste, c'était intéressant. Je mettrai le lien, mais il n'y a pas d'article vulgarisé, c'est directement le lien vers l'article scientifique. Voilà. Ouais, c'est assez intéressant, surtout cette notion là d'hygiéniste. Ouais, il faudrait faire l'objet d'un dossier peut-être un jour quoi. Ouais. Ok, bah écoutez, ça fait une émission courte, ça fait du bien aussi en été. On passe peut-être du coup à la côte. Je dois même avoir un gong de côte. Alors, les côtes, on en a deux, si je ne m'abuse. Donc, qui dit la première ? Marco, responsable côte ? Bah écoute, oui, j'en avais trouvé une qui était un peu d'actualité, puisque comme c'est les Jeux Olympiques en ce moment, j'avais bien aimé. Donc, elle est de l'écrivain Jean Giraudoux, et ça dit « Le sport et l'espéranto des races ». Ouais, c'est ah. C'est beau. C'est beau. C'est un peu démago, mais bon. C'est le vrai côte de. Bah attends, au niveau démago, la suivante est pas mal aussi. Donc c'est de Jean Jaurès. C'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Ouais, mais tout ça, c'est des côtes qui tendraient à dire que les races existent, mais en fait, les races n'existent même pas. Donc. Bon, quand tu dis qu'il n'y a qu'une seule race, ça veut dire que ça sert à rien de définir une race, hein. Parce que s'il y en a qu'une seule. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, c'est de la démagogie, hein, de toute façon. Bon, il en fallait une sans sport. Là, on est à fond dedans, là. La guerre, c'est mal. Mais on peut peut-être rester là-dessus, justement, de dire qu'il n'y a qu'une seule race, c'est l'humanité. Bienvenue dans Podcast Science, quoi. Ouais. Ok, bah, écoutez, sur ce, je pense qu'on va finir l'épisode. Et juste en rappelant qu'il y a quelques petits rituels, ne pas oublier de noter le podcast sur iTunes, ça nous aide à remonter dans les classements et à faire que d'autres personnes découvrent le podcast. D'autre part, vous pouvez mettre des notes aux dossiers qui vous ont plu ou pas. Ça nous donne plein d'informations, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur bien sûr toutes les pages et même des commentaires audio maintenant. Donc si vous avez un micro, vous pouvez mettre un commentaire audio et on peut le passer dans l'émission. Vous pouvez bien sûr tweeter, aller sur Facebook, partager les dossiers sur leur réseau social préféré et tout ça pour faire connaître au plus grand nombre et répandre la science autour de vous. Donc sur iTunes, c'est tout bête, il faut chercher Podcast Science. Sur Twitter, c'est @podcastscience. Facebook, Podcast Science et Google plus Podcast Science. C'est ça, hein ? Je ne me trompe pas. Tout à fait, Nico. Voilà, et donc la semaine prochaine, on parle art et science et ben, ce sera moi qui fera le dossier. Voilà, ben, sur ce, bonne soirée et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.